Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila ndugu na kila dada mchina Bwana wetu Yesu Kristo. Nous saluons aussi nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Tuko na salimia pia bandugu na dada ambao wanatufuata kwa mtandao. Que de riches bénédictions de la part du Seigneur reposent sur tout un chacun de vous. Na mabaraka ya utajiri ya Bwana Mungu ipate kubaki yule kila mmoja. Si Frère Mundu peut prier pour nous. Nous inclinons nos têtes. Mungu Baba aliye juu mbinguni. Dieu Père qui est au ciel. Tuko na karibia tena kumbele yako mwakati ya magharibi. Nous nous approchons encore au devant de toi cet après-midi. Nijue wewe ndio ulisema maneno yako. C'est parce que c'est toi qui as dit dans ta parole. Kumashiku ya kumwisho. Dans les derniers jours. Hakuna mtu atafundishaka banduku yake mambo. Personne n'enseignera son prochain connaît Dieu. Ndio kwa maana tuko na recommande mtumishi wako mikono yako. Voilà pourquoi nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Umutoshe yeye mukibeta. Ote lui de la scène. Mais wewe useme bile vitatujenga. Mais que toi tu puisses parler ce qui peut nous édifier. Utukaburie mashikio ya kiro. Accorde-nous des oreilles spirituelles. Tupate kushikia vile ba mitume balianza kusikia. Que nous puissions écouter comme les disciples. Utawale katikati yetu. Règne au milieu de nous. Kumwanzo na kumwisho. Du début jusqu'à la fin. Dieu autokufu ya jina yako. Pour la gloire de ton nom. Mon Dieu Jésus Christ. Dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Pouvons-nous lever? Tu naweza kusimama. Prenons Exode 23. Tu bebe kitabu yetu ya kutoka 23. Exode chapitre 23. Kutoka sura 23. Verset 20. Mustara 22. Voici, j'envoie un ange devant toi. Tazama nikunatuma malaika mbele yako. Pour te protéger en chemin. Jua kukulinda mubarabala. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Na jua kukufikisha fazi nilitayarisha. C'est ça la mission de l'ange. Jo ilikuwa kazi ya malaika. Prendre soin de ceux-là que Dieu a appelés. Kuangakia bale Mungu aliweza kuita. Dans tous leurs besoins. Muma la hitaji yao yote. Et non seulement cela, les amener à destination. Donc ça ne peut pas rater. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Upate kusopoka sana mwepo wake. Et écoute sa voix. Na usikie sauti yake. Donc si tu es rebelle, tu vas tout perdre. Utakosa byote. Ne lui résiste point. Apana kumukangala. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Sababu jina langu iko yule yake. Cet ange-là, c'est le Seigneur lui-même. Ule malaika ni Bwana yeye mwenyewe. Verset 22. Si tu écoutes sa voix. Kama unasikia sauti yake. Si tu fais tout ce que je te dirai maintenant. Na kama unafanya byote le mitakuonesha. Ah, donc c'est Dieu lui-même. Nikusema ni Mungu yeye mwenyewe. Il exige l'obéissance. Analazimisha utifu. Si tu fais tout ce que je te dirai, kama unafanya yote je serai l'ennemi de tes ennemis. Takuya adui wa adui yako. L'adversaire de tes adversaires. Upinganishi wa upinganishi bako. C'est-à-dire tout ce qui se lèvera contre vous. Nikusema yote talamuka kukupingani kukumbanisha. Affrontera Dieu lui-même. Itamkumbanisha ni Mungu yeye, itakutana na Mungu mwenyewe. Mon ange marchera devant toi. Malaika wangu atatembea mbele yako. Et te conduira chez les Amoréens. Atakuongoza kwa Amorea. Les Étiens. Waitia. Les Phéréziens, Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Une délivrance totale. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Que Dieu nous aide à saisir ce que Dieu veut nous communiquer. Mungu atusaidie tupate kushika kile kunapenda kutuonesha. Écoutez comment le Saint-Esprit a parlé dans cette prédication. Sikilizeni kile Roho Mtakatifu alisema mwi mahubiri. Je prends la citation 77. Nabeba nukta yake ya 77. 77 on peut. 77 ou 77. Nous voulons une délivrance complète. tunataka ukombozi ya utele. Amen. Amen. Nous voulons. Tunataka. Ça c'est nous-mêmes qui parlons comme ça. Ni chevenye tunasema hivi. Une délivrance complète. Ukombozi ya kueneana. Mina penda. J'aime, je veux. Ni komboleo mubiote. Que je sois Amen. Délivré en tout. Amen. Ukombozi ya utele. La délivrance complète. Mishi pende kubakia ataka kintu kamoya. Je ne veux pas qu'il demeure quoi que ce soit. Mule nikutena mutumwa wa shetani. Là où je suis encore esclave de Satan. Je crois que c'est le désir de chaque frère et de chaque sœur. Nous ne voulons pas être une demi-église. Sa kanisa ya Mungu. C'est comme une église de Dieu. Tena sa moi, sa Satan ya nesha kubawi. Certainement comme si c'est Satan déjà vaincu. Mumambo wa Mungu vila pana. Dans les choses de Dieu, ça non. Bishikuye vile dada, bishikuye vile nduku. Que ça ne soit pas comme ça, mon frère et ma soeur. Tukuye soit bantu ba Mungu. Soit des gens de Dieu. Ou qu'on les soit même pas. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Délivrance complète de mes pensées, de mes sentiments, de ma nature, de ma conduite, de mon langage, de mon ménage. Désirez cela parce que le Seigneur qui nous a appelés est puissant pour le faire. Esaïe 40. Avant que je n'évolue avec cette citation. Esaïe 40. Isaya makumine. Frère, ni Mungu wa byakweri. Shunona patu natoka kuimba. Mungu wetu achina ya kiziwi, achina tuse kuditila. Ni Mungu, frère, kama nakuita. C'est le Dieu lorsqu'il t'appelle. Achacheke bintu sa bantu. Il ne laisse pas les choses comme des hommes. Anakalanga nafanya bintu bikamilifu. Il fait des choses d'une manière parfaite. Mena wa kureklamer bintu bikamilifu ni wewe. Mais celui qui doit réclamer des choses parfaites, c'est toi. Mimi nakombolaka bantu mutele. Lui dit que moi je délivre les gens totalement. Ni djua kukwatikisha kusema. C'est pour te confirmer que. Apa mina kuita kama unaona kintu akiendeke. Comme je t'ai appelé, si tu vois quelque chose qui cloche. Kuya ureklame kyo kwangu. Viens et réclame cela auprès de moi. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Esaïe 40. Isaya makumi ine. Verset 1 et 2. Sara kwanza na pili. Consolez, Fariji, consolez mon peuple. Fariji taifa yangu. Dis votre Dieu. Mungu wenu anasema. Mba Fariji. Consolez-les. Parlez au cœur de Jérusalem. Sema kumoyo wa Yerusalema. Criez-lui. Umulalamikie. Que ta servitude est finie. Ya kwamba butumwa yake bunamalizika. Dites aux Juifs que votre servitude est finie. C'était une prophétie. Il quoi ni unabi. Amen. Amen. Kama Yesu anaita muntu, si Jésus appelle une personne bandouku, la servitude est terminée, finie. Vous ne pouvez pas trouver un croyant Mungu comme si c'est Dieu qui l'a délivré et en même temps il demeure encore esclave d'un côté. C'est nous-mêmes qui se font qui se faisons d'un côté Christ. Comme des esclaves, d'un côté comme des chrétiens. Au jour du jubilé, c'est l'homme lui-même qui avait la décision, soit que sa servitude s'arrête, soit lui-même reste dans la servitude. Et même aujourd'hui, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, qui a la décision d'entrer dans ta liberté, de posséder ta liberté, soit de demeurer esclave de Satan. Mais pour le Seigneur, quiconque croit en l'œuvre accomplie à Golgotha, sa servitude doit s'arrêter là-bas. Bonne mbariki. Que le Seigneur bénisse. Nous tous ici nous sommes allés aux eaux des baptêmes. Mais qu'est-ce qui fait que des fausses choses de Satan se font encore voir en nous? C'est impossible, Banduku. Mungu ni Mungu wa byakweli. Dieu c'est le Dieu véritable. Quand il donne cette prophétie, ce n'était pas seulement pour les Juifs. Sa servitude, la servitude doit terminer. Que son iniquité est expiée. Bon embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Marambili ya mazambi yake. Ile kazi ilifanyika pa Golgotha frère. L'œuvre accomplie à Golgotha banduku. Ni kazi yenye kueneana tellement. C'est une œuvre complète et parfaite. Hakuna namna tena shetani akuwe na mkono yake yulu yetu. Il n'y a pas moyen que Satan puisse avoir une main mise sur nous. Ni sinjo tukunaichika bile bile. C'est nous qui acceptons toutes ces choses. Ni si. C'est nous-mêmes. Le Saint-Esprit poursuit. Rome takatifu anaendelea. Nous ne voulons pas être une église, une demi-église. Atutaki tupate kuya kanisa ya kipande. Nous voulons être une vraie église. Nataka tukue kanisa ya kweli. Je musema amen. Dites amen. Nous voulons être une vraie église. Tunataka tukue kanisa ya kweli. Où le Saint-Esprit. Mule Rome takatifu. Est à l'œuvre. Eko mkazi. Où l'ange du Seigneur Mule malaika wa Bwana est avec chaque frère et chaque sœur. Kuna kila nduku na kila dada. Moi, muna na ile hamu ya vile. Vous n'avez-vous pas cette soif, ce désir-là? C'est ce désir que nous devons avoir. Quand le Saint-Esprit parle dans Exode 23, c'est Dieu qui jure. J'enverrai mon ange. Tatuma malaika wangu. Lui-même t'accompagnera en chemin. Yeye atakuchindikiza njia. Et il t'amènera à destination. Na atakufikisha hata kumwisho. C'est-à-dire, il est impensable que la mission échoue. Ni kusema haiwezi kuwazikana sema ile kazi ipate kushindikana. Frère, vous voyez, je reviens toujours à Rebecca et Munaona ni unarudi hapa kwa Rebecca na Eliezer. Regardez ce qu'a dit Abraham. Muangalie kile Abraham alisema. Il dit non. Asema pan. Cette affaire. Il est mambo. N'amène pas Isaac là-bas. Apara kumpeleka Isaac kule. L'ange qui m'a appelé. Malaika rinita. Doit entrer en scène. Anapasha kunya mukazi. Pour trouver une femme pour Isaac. Jua kupata bibi njua Isaac. Frère. Banduku. Abraham savait de quoi il parlait. Ibrahim alikuwa anajua alikuwa anasema nini. Il savait qu'il y avait une voix qui lui avait parlé. Alikuwa anajua sikuwa sauti mwa msimizi yake. Malaika mwa mwakikishi yake. C'est ainsi qu'il a quitté son pays. Jo pale alitokaka mwinchi yake. Amen. Amen. Et il savait que rien n'est impossible devant cet ange. Na alijua kusema kuna cha kushindikana mbele ya malaika. Yule malaika. Se débrouillera. Atafanya yote iwezekanayo. Une femme. Chukupwe mwanamke bibi. Au standard de Isaac. Wa kumwenea Isaka. Bon embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu savait ça. Mungu alijua vile. Et en envoyant ce message, na mkutuma ujumbe, qui nous a été apporté, il est tubiriwa, par, souvenez-vous, mkumbuke, l'ange qui avait apporté ce message. Malaika huyu alileta ujumbe ndugu Branham, ni yule malaika moya moya. Il avait convaincu Rebecca chez elle. Alimhakikishia Rebecca kwao juu kusema. Prends tes vases. Kwenda kukishimo. C'est le même ange. Ni ule malaika moya moya. C'est le même ange. Ni ule malaika moya moya. Auquel? Ule. Devant lequel? Mbele yake. Eliezer s'était confié. Eliezer aliweza naye kusemea. Mais comment le type là-bas? Sasa namna kani mifano ile kule. Les ombres là-bas. Mabimvuri ya kule. Les choses se réalisent parfaitement. Bitu biko nafanyika kamilifu. Kufika mu wakati yetu. Bitu vinaanza kuwa vya mfungu. Ni kusema kukitu kimwa kiendeki. Le même ange malaika moya moya t'appelle hors de dénomination, anakutosha mwazebu, hors du monde, anakutosha mudunia, kufika hapa, l'ange ne sait pas te prendre en charge, malaika nashindwa kuangaikia mwinji ya ukovu. Hapana. Non. Abiwezekani frère. C'est impossible banduku. Cet ange là, ule malaika, c'est lui qui nous a attirés. Ni ule alitufuta hapa. Sachant qu'ici, venye kujua kusema hapa, il a placé un ministère, aliweka hapo huduma. Ce n'est pas l'homme qui travaille, aina mtu unatumika. Ni ule malaika moya moya, pour amener le salut à devenir réel. Ya kuleta ukovu kwa ya kweli. Comprenez bien les choses, frère. Muelewe mzuri mabitu banduku. Nous voulons être une vraie église. Tunapenda tukue kanisa ya kweli. Ou pas une église du tout. Ao tushikua ta kanisa yenyewe. Tukue tu mankiche bintu bimwa hivi. Kosoa quelque chose. Kimbangu. Homme de kimbangiste, c'est de suite. Frère. Banduku. Kama njo, kama tuliacha dunia. Si nous avons abandonné le monde, c'est pour que nous soyons ou des enfants de Dieu. Si je suis pas enfant de Dieu, mais que je reste l'homme de diable. Bon embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons être tunapenda tukue des vrais chrétiens ba Christu ba kweli, ou pas des chrétiens du tout. Au tushikue ata ba Christu benyewe. Amen. Amen. soit tu crois en Christ, soit tu n'as pas na croire en Christ. Soit soit un chrétien ou ne le soit pas. Nous voulons tunataka, une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, ya mubaya, de nos mauvaises actions, ya ya mubaya, de notre négligence, ya kusura kwetu, de tout ce que nous avons fait. Ya biote bietu rufanya. Amen. Amen. On a sema... Et ma justification, ces justifications que nous apportons tout le temps, ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés. Nous voulons tunataka une délivrance totale. Ukombozi ya utele. Pour que kusudi, quand les gens entreront dans cette église, wakati bantu batengia mwikanisa, pour compris pour eux, juu bapate kubaombea. Amen. Amen. Quand nous prierons, wakati tutaomba, alors pale, Dieu nous exaucera. Mungu atatujibu. Dieu est le canisse. C'est cela cette église. Il faut le canisse en ville. Et il faut ce genre d'église. Le canisse en ville. Et l'église c'est qui? Aïna pas pasteur. Ce n'est pas seulement pasteur. Ce ne sont pas seulement les diacres. Chaque frère, qui chaque sœur, qui la dada. C'est cette église là. Dieu, il est canisse. Nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Amen. Amen. Muntu moya au dada moya. Une personne ou une sœur. Dieu dit que celui-ci m'appartient. Celui-ci, j'ai confiance na en lui. Et si celui-ci prie, moi j'agrée. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu dira, na Mungu mon serviteur malade que voici, mutumishi wangu mgonjwa huyu, je peux l'envoyer au Kambof Tabernacle là-bas. Kambof Tabernacle ce kule, groupe de gens là est d'un même accord. Eko na mapatano moja et moja, quelque chose se produira. Na kitu kimoja kitafanyika. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. On peut même s'arrêter par ici. Chaque personne a écouté Kukombozi ya utele ni nini. C'est une église. Que Dieu lui-même est au milieu de ces gens. Dieu vit avec ces gens. Et c'est ça la promesse de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous le lisons. Nous le lisons. Je ne sais pas. J'ai joué. De Corinthiens chapitre 6. Wa Corinto apili sura kia sita. Verset 17. Même tu peux à la maison commencer à 14, 15, 16. Tout ça, c'est ça le message du temps de la fin ici. Mais suivez 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Frère, habite à quoi que tu n'es pas même bantou. Du coup, on ne va pas commencer à cela et les gens sont passionnés. Oui, c'est bien, c'est notre promesse. Mais où est la vie ou la réalité de ces choses? Ça, ça, où est-ce qu'il y a un mambo qui atteste que nous kwamba, sommes le groupe qui est sorti de toutes les fausses choses ici. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Amen. Non, voilà le verset 16 plutôt que j'ai cherché. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Frère, Manduku. Ça c'est la plus grande richesse. Hein? Avoir Dieu chaque jour dans sa vie. Uwa na Mungu kila siku maisha yako. Qu'est-ce qui va te troubler? Nini takuangaisha? Amen. Amen. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est ce que nous devons être. Ce n'est pas le problème d'attendre l'enlèvement. C'est aujourd'hui que nous devons être cela. Toi, frère, soeur et moi-même. C'est comme ça que nous devons être. Si nous ne sommes pas comme ça, nous avons déjà raté. Nous parlons simplement en vain. Que le Seigneur vous bénisse. Citation 92. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Mshikie vile Roho Mtakatifu kunasema. Citation 92. Vers le milieu là. Il a délivré l'Église. Alikomboa kanisa. Alors, Sasa, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent en dessous de leurs privilèges. Amen. Amen. Kile Mungu anasema vile kanisa inapaswa kuwa. C'est que Dieu a dit comme doit être l'église. Si a tout fait que. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Ça s'appelle quoi? Inaita nini? Shonona ba kinomba anasema kama mtu anashindo bien en tout cas kia mshoma anasema yende le chef ya classe. Ouais, les gens disent que c'est lui le chef. C'est lui qu'on appelle le chef. Ça dit c'est lui qui est le dernier des ratés. Et l'église, c'est toi mon frère et ma soeur. Si on n'arrive pas à ce point là, frère, donc nous sommes déjà des échecs. Nous sommes des ratés. Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema, l'œuvre de Golgotha, kazi ya Golgotha, Dieu a délivré l'église. Mungu alikomboa kanisa. La servitude a pris fin. Butumwa burisha. Satan ne peut pas Satan hawezi avoir la même mise sur un frère, sur une soeur. Abiwezikani. Cela est impossible. Nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent en dessous de, leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite. Nous n'avons pas besoin de Apa frère, ici Nduku, ba minifu ba bya kweli, les véritables croyants, banze kuliangaria, qu'ils se regardent sima, ibi, misi, kuchika, et de dire que moi je ne dois pas accepter Imambo. Parce que Sababu, il a vaincu le diable. Ali mushinda shet diabolo. Il a pris toutes les dominations Ali beba et yote, les autorités na mamlaka yote, les a sujettis sous ses pieds. Ali itishi chinya migu yake. Alors, Sasa, ces dominations, ces autorités n'ont aucun droit légal de régner sur vous. Aina tarusa moya kutawala tena yulu yenu. Sommes-nous ici? Si vous posez la question qui est déjà né de nouveau, nous lèverons tous nos mains. Qui est sûr de sa foi, tous nous lèverons nos mains. Mais ces choses, comment se fait-il que Satan encore domine sur nous? Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Frère, comme les choses sont devenues ici, je ferai ceci. Toi, chrétien, tu le fais. Sans se poser la question que dans cette affaire, Dieu est de quel côté? Si, frère, nous, na badada, nous ne nous appartenons plus. Nous ne sommes plus libres de faire ce que nous voulons. Amen. Amen. Romains 14. Mambo ya Mungu ni vraiment ni ufunulo. Les affaires de Dieu vraiment c'est la révélation. Kama kuna ufunulo, si il n'y a point de révélation, ah, kichwa takuma. La tête va te tourner. Romains 14. Waroma 14. Oh, je m'excuse, je suis dans Corinthiens. Samani. Romains 14, verset 7. Waroma 14, mstari 7. En effet, kwa kuwa, nul de nous hakuna ta moja katikati yetu, ne vit pour lui-même. Eko naishi tena njuu yake mwenyewe. Atuna na decision yulu wa maisha yetu. Nous n'avons plus de décision sur notre propre vie. Atuna na decision yulu wa mandoa yetu. Nous n'avons plus de décision dans nos ménages, dans nos mariages, dans nos emplois, non. Wakati yetu atuna na decision tena. Sur notre temps, wakati yetu kile tunataka. Nous n'avons plus la décision de faire avec notre temps ce que nous voulons. Même notre mort. Ni Mungu ako na décidé. C'est Dieu lui-même qui prend la décision. C'est pourquoi je vous ai dit. Je commande une chose jana. La mort. Lufu. Est aussi une réponse à nos prières. Et quoi ta jibu kwa maombi yetu. C'est notre délivrance aussi. Dieu ukombozi yetu na shei. Verset 8. Si nous vivons, kama tunaishi, nous vivons uniquement pour le Seigneur. Tunaishi tu paka juu ya Bwana. Que ces choses pénètrent véritablement dans les enfants de Dieu. Qu'ils prennent des décisions. Tangia leo, je vis pour Jésus-Christ. Niko naishi juu ya Yesu Kristo. Pourquoi étais-tu parti aux eaux de baptême? C'est pour montrer que moi, kwanzia leo, j'entre dans l'eau. Je deviens. J'appartiens à Jésus. C'est ça la nouveauté de vie, non? Joe, maisha mapya ile. Nous vivons pour le Seigneur. Tukunaishi juu ya Bwana. Même si nous mourons, kama tunakufa, nous mourons pour le Seigneur. Tunakufa juu ya Bwana. Voyez. Unaona? Soit donc que nous vivions, au basi tunaishi, soit que nous mourions, au hata kama tunakufa, nous sommes, tuko, nous appartenons, tuko ba, au Seigneur Jésus, ba, Bwana Yesu, kinwa yangu, ma bouche, juya Yesu, c'est pour Jésus, macho yangu, mes yeux, juya Yesu, c'est pour Jésus, mawazo yangu, mes pensées, juya Yesu, c'est pour Jésus, masikio yangu, mes oreilles, juya Yesu, c'est pour Jésus. Anesha kulipa, il a déjà payé afin que je sois sa propriété privée. Je ne peux pas laisser mes yeux qu'il suive ce qu'il veut. Je dirai mes yeux, tambia macho yangu, soit. Ao, tu as ce corps, uko kui mwili, so au una kui mwili. Namuna kani mtu sawa Yobu. Autant de sang de bouc et de taureau. Mwakati ya nyama ya bambuzi ya bangombe, banduku. Job déclare ceci. Job anasema hivi. C'est dans Job 31. Na mini Yobu 31. J'ai fait un pacte avec monsieur. On peut garder ça, on va revenir. Job 31. Turudie ku Yobu 31. Job 31. Yobu sura 31. Je crois que c'est là-bas. Oui, Job 31. Yobu sura makumi tatu na moja. Job 31, verset 1. Mustara kia kwanza. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Nilifanya kiapo na macho yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Job avait la liberté. Yobu alikuwa na uhuru na mapenzi. Il a pris une décision. Alibeba mpango. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Nilifanya kiapo na macho yangu. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ya kwamba sitashimamisha macho yangu mkuangalia bikira. Katumbi unesha kulala. Mula mouche frère. Maintenant, sasa, quelle part Dieu m'aurait-il réservé dans c'est mou kani mungu atanichungia kule mbingu. Non, alors quand bien mungu aseme. Il commence maintenant à dire à Dieu. Regarde les résolutions que j'ai prises. Maripo iku wapi. Où est la rétribution? Oui, maintenant, aujourd'hui, je suis dans les difficultés. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour les méchants? Et les malheurs pour ceux qui commettent l'iniquité? Moi je savais que ça c'est mal et je ne faisais pas ça. Mais ceux qui le font, sachant que ça ce n'est pas la parole, ils méritent un châtiment. Pas moi. Bonne embarique. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu Mungu. N'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes. Romains 14. Nous voulons être une église où Dieu lui-même vit. Les hommes et les femmes qui vivent dans la présence permanente de l'ange du Seigneur. Cette chose-là, Abraham a failli l'oublier. C'est comme je vous l'avais lu l'autre fois. Le Seigneur lui-même est venu pour dire à Abraham, n'oublie pas, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, je suis là en train de te surveiller. Sois conscient des actes que tu poses. Maintenant, comme nous vivons dans la présence de Ngoï, dès que Ngoï n'est pas là, les chats sont en déplacement, les souris dansent. Toi, ta chrétienté, c'est seulement quand tu es en face d'Ngoï. Mais tu ne sais pas que l'ange du Seigneur, lui, est de manière permanente avec toi. Frère, Banduku, toutes ces choses que les gens se disent dans les maisons, si on mettait Ngoï, on le met là-bas afin que vous puissiez vivre avec lui une journée, vous allez le dire, vous serez saint. Pourquoi vous craignez Ngoï? Maintenant, où est le ciel de Ngoï? Le Saint-Esprit de Ngoï, où est-il? Vous voyez. D'où vient que vous avez la crainte des hommes? Ça n'est pas la crainte de Dieu. Vous piégez votre âme pour rien. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Lorsque vous voyez le passé, vous devenez très saint. Maintenant, le Dieu qui te voit partout, vous vivez indifféremment. Vous ne comprenez rien. Mais cependant, les chrétiens, maintenant ici, les yeux sont en train de s'ouvrir. L'intelligence est en train de venir. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 9, Romains 14, verset 9. Christ est mort et il est revenu à la vie. Pourquoi? On donne la raison. Afin de dominer, de régner sur le croyant. Vous voyez? Ça c'est bien tout, frère. Maintenant, toutes ces choses vont d'oublier. Ça demande la révélation personnelle, individuelle de Dieu. Si Dieu ne te le révèle pas individuellement, ça n'est fini, tu resteras Ismaël dans Kambov Tabernacle. Même la situation, mais les situations, tu les connaîtras. Les Écritures, tu les connaîtras. L'Église va te connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit continue. Citation 92. Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Amen. Amen. Christ nous a délivrés. Christ nous a délivrés. Une délivrance totale. Il nous a délivré du mal, du péché, des anciennes habitudes, du commérage, des propos injurieux, matushi, kibengo, orgueil, toutes ces choses. Il nous a délivré de toutes sortes de saletés. Anesha kutukomboa kwa aina yote ya mabuchafu. Donc, Michiwe, frère, tes traditions, tout ce que je ne sais pas. Voilà pourquoi je dis que ça demande que Dieu vienne te le révéler. Or, Dieu ne le fait qu'avec ses élus. Maintenant, si vous n'êtes pas un élu, ça va entrer à gauche et sortir à droite. Il nous a totalement délivrés. Il nous a mis dans ses saintes mains une délivrance complète et totale. Il nous a délivré 93. Il a délivré nos maladies. Amen. Et nous avons un titre de propriété incontestable. Que le Seigneur vous bénisse. La foi en action. Imani katika tendo, maubiri. Ibi bintu frère, kama kuna wakwenda kubisoma wendo kasome. Toutes ces choses, si tu as quelque part, tu peux les lire, il faut aller les lire. La foi en action. Imani katika tendo. Quelque grande que soit votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. Frère, moi je suis un croyant. Vous voyez ici, je vais vous lire quelque part, le Saint-Esprit parle très bien. Parle, c'est mieux que je lise ça. Dans la joie. Attendez, j'ai mentionné ça quelque part. La rédemption par la puissance et par le sang du 29 mars 1954. Amen. Amen. Suivez. Fouateni. S'il vous plaît, la rédemption. C'est du 29 mars 1954. Citation 52. Suivez, j'aimerais commencer là pour bien atterrir. Citation 52. Il leur avait dit qu'il leur donnerait le pays. Je vous ai déjà donné le pays. Il avait dit qu'il enverrait un ange devant eux pour prendre soin d'eux sur le chemin et pour les faire entrer dans les lieux dont il était question. Amen. Amen. Suivez maintenant. Citation 53. Dieu Mungu leur avait donné la colonne de feu pour aller devant eux. Et je le dis avec révérence, sincèrement, pendant que nous sommes ici dans ce groupe ce soir, je crois que la colonne de feu est au milieu de nous ce soir. Pourquoi? Ce qu'il y a eu au premier exode, c'est ce qu'il y a au troisième exode. Amen. Amen. Je crois qu'elle est au milieu de nous ce soir. La même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël va devant nous. Amen. Amen. Accomplissant les mêmes miracles et prodiges. Tout enseignant ici de la Bible sait bien que l'ange qui accompagnait Israël et qui le conduisait vers la terre promise, c'était l'ange de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes là? Maintenant, mufungule masikio. Ouvrez maintenant les oreilles. Utaona kusema. Vous verrez que les malaïka, cet ange-là, si vous dites que vous avez déjà cru aujourd'hui, si vous dites que ma soeur vous avez déjà cru, lorsqu'il commence à te conduire, il ne conduit ses enfants que là où il y a la parole de Dieu. Il ne conduit ses enfants que conformément à la parole de Dieu. Si tu vois que ce que tu fais combat la parole de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Cependant, on t'a déjà baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez le nom d'une manière prostituée. Amen. Amen. Vous vous chargez du nom d'un mari d'autrui qui n'est pas, le vôtre. Amen. Amen. Et tu accomplis l'écriture d'Esaïe où il est prophétisant en disant cette femme se lèveront et diront. On va revenir. Prenez ça, Esaïe. Tu es bébé, Esaïe. Esaïe 4. Isaïe sura kaine. Esaïe chapitre 4. Isaïe sura kaine. Naï anjiko tukuna soma frère. Et cette écriture que nous lisons bandu. Jo bibe bikuna fanyika leo muikanisa. C'est ce qui se fait maintenant dans cette église. Mui wakati ya mwisho. En ce temps de la fin. Esaïe 4, Isaïa sura kaine, verset 1. Musara kia kwanza. Cette femme saisiront en ces jours-là un seul homme. Banamuke saba batabambele shiku mwanaume moya. Et diront, na batasema, nous mangerons notre pain. Tutakula mkate yetu. Et nous nous vêtirons de nos habits. Na tutajivika na mavazi yetu. Fais-nous seulement porter ton nom. Wewe ufanye tushe tubebe jina lako. Enlève notre opprobre. Tosha aya yetu. Basiseme que tuko bapagano acha tutoanze kwenda kwa mkanisa. Qu'on dise pas que nous sommes des païens, laissez-nous seulement aller dans l'église. Basiseme que niko mpagano acha bakanibatize. On dit pas que je suis païen, qu'on me laisse simplement aller me baptiser. Que j'entre seulement à la chorale. Que je sois interprète des sourds. Que je sois caméraman. Mais au moins je continue à faire ce qui est à moi. Que je puisse épouser comme je veux. On va m'épouser comme je veux. Je volerai mes dîmes, faire ce que je veux. Mais que je sois simplement membre de Kambof Tabernacle. Et qu'on dise que j'ai cru au message. Je ne vais pas m'ambifier. Je porterai de longues jupes. Mais cependant, dans la maison, je serai têtu. Dans la maison, je serai rebelle. Mais que je vienne seulement dans l'église. Et que le dimanche, je vienne dans l'église. Il y a des chrétiens là-bas. Dieu y a dit quoi. Elle s'accomplit pour la majorité. Dieu y a pas mingi. Il y a pas même un maskani à Kambo. Parce que la véritable église. Sababu kanisa ya kweli. Est toujours minoritaire. Il n'est qu'à paka chachi. Kufika na kurudi kwa Kristu. Il t'a quoi ni kangunji kaloko. Lakini ile baya bote banene ba mingi. Voilà l'écriture. Tazama andiko. C'est ça la vérité. Dieu y n'est quoi ukweli. Si vous êtes de Dieu, vous ferez un effort pour échapper. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Dans la maison, vous faites vous ce que vous voulez. Mais au moins, venez simplement à l'église. Et il a saisi maintenant tous les peuples congolais. Et il a yota qui congoman. Frère, Banduku, Kasai, je suis allé à Kasai. Au temps où des. Ce qui m'avait scandalisé. Il est une à l'époque, je n'étais pas croyant. Il est wakati chukwa ki mwaminifu. Même pas wa mumazebu chukwa ki. Je n'étais même pas dans les dénominations. Ce qui m'a tiqué, c'est il est ni shanga shaka. Comme on a coupé le casse-œil monsoko. Lorsque vous trouvez le casse-œil au marché, autayo a semé pego mu Christ. Vous ne saurez même pas si il y a un chrétien ici. Kafumwe mama mweba. Bena chambulana. Mutimbakana. S'injurier, ils se disaient, ils étaient en train de s'injurier. Les mêmes personnes. Bale batu wa mwa moya le dimanche. Shara alléluia. Dada alléluia. Mi munye, mubu pagano. Quand j'étais encore croyant, j'avais dit que ces gens sont des farceurs. Ben, mon ami qui me logeait, il a dit que Njota Ifa y a la Balouba. Ni Taifa Kidini. C'est-à-dire, dimanche, le dimanche, au moins allons à l'église. Mais le reste des jours, faisons ce qu'on fait. Tu fais vivre ton attaque. Comme on fait. Tu ishi vivre ton attaque. Comme on fait. Tu sais vivre ton attaque. Et cet esprit-là, c'est ça l'esprit dénominationnel. Jo, roi à Mazébou. N'est pas seulement dans la dénomination. Aïe, pas comme Mazébou. L'esprit nous a rattrapés. Aïe, le roi, chaque fois que tu bambes, n'a pas. N'est bien bon. Est-ce que c'est faux? Tous ici sommes de Bashuda. Demandez ceux qui vivent au Kasai. Ulisa vole bako naishi Kasai. Je vous dis la vérité. Ni ukweli. Je fais deux en fait sur Mbujimayi. Mirienda kwa safari mbili kwenda Mbujimayi miliona. Frère. Manduku. Kama mtu ana chambula bibi yake. Si une personne injurie sa femme. Vous dites que c'est cette femme avec laquelle on enfante des enfants. Mais dimanche. La kili mujuma. Tout le monde propre. Bo tebe ko pro safi mu pa yule moto wale mwanamke mwa moya wale be una beula eko banyi kumbeba barenda kanisa le même commerçant benye bafanya biashara ba moya ba moya be kuna chambula na musoko banduku na mwe mwenye utasema vous même vous direz si c'est ça les affaires de Dieu c'est un échec apa edivi tusha kupusa Vous voyez que les choses sont très sérieuses. Hein? Fais-nous porter seulement ton nom. Mais Lakini, nous achèterons nous-mêmes nos habits. C'est-à-dire, Likusema, nous allons vivre, nous allons nous débrouiller. Comment vivre? Namna kania kuishi? Comment nous allons faire nos affaires? Chez venir tafanya mambo yetu. Weye. Laisse-nous seulement. Utuache tu. Le nom du message. Tubebe lenjina ya ujumbe na Yesu Kristo. Laisse-nous qu'on nous baptise. Utuache tu batubatize. Sinjo bibi ntutu kuna fanya. Ce sont ces choses que nous faisons ici. Jo bibi ntutu kuna fanya. C'est ce que nous faisons ici. Et pourtant, écoutez le verset 2. En ce temps-là, le germe de l'éternel, frère, Banduku, qui est le germe de l'éternel? Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Pendant que bantu bengine batakuwa na bile bintu bya vile. Au moment où certaines personnes auront de telles choses, c'est en ce temps-là, utukufu wa Yesu, la gloire de Jésus-Christ, la véritable église, elle se fera sera manifeste. Les véritables élus, ils vont se distinguer batachana. Où sont de telles Rebecca? Munona sime tuku mu mambo ya sérieux sana. Voyez que nous sommes dans les affaires très sérieux. Nous ne sommes pas venus blaguer et jouer ici. La rédemption par la puissance, je reviens là-bas. Kombozi kupitia uwezo na rudiri hapo. J'étais à la citation 92. Dieu leur a donné la colonne de feu pour aller devant eux. Malaïka, l'ange, c'est pour nous conduire, nous qui avons cru. Malaika, l'ange, celui qui met un frein dans les mauvais propos qui vont sortir de nos bouches, des mauvais sentiments qui cherchent à monter, c'est l'ange qui dit non. C'est cela. Frère, Bandoukou, sont des expériences. Ces choses que je vous dis, Tinmaonjo, tu es en face de quelqu'un qui te manque du respect. Ou combien de monde on a causé chima, ça zingine nimki wako, ça zingine ni bwana yako, ça zingine mishijwe ni nini. Lakini washikia un catalyseur qui te ça kitu kimwa kinawa kutuliza ndani. Inasema acha banduku. Oui, mwache. Il est déjà sous l'emprise des démons. Yeko chini ya upako ya shetani. Et tu te calmes. Na unatulizana. Et quand tu te calmes. Na wakati unatulizana. Il remplit ton cœur de paix et de joie. Anajaza moyo wako na salama na furaha na hakikisho. Que tu as triomphé. Ya kwamba wewe unashinda. Munon. Vous voyez? Une délivrance totale. Ukombozi au télé. Tu vis avec l'ange. Uko naishi na malaika. En tout temps. Mukile wakati. Et lui. Na yeye. Te tranquillise. Eko na kutulizisha. Et lui, na yeye. Te donne le discernement. Eko na kupatia kutambua kuzuri. Frère. Banduku. Il te donne une manière de faire les choses. Eko na kupatia namna mwa kuona mamambo. Différent de tous les hommes sur la terre. Ya kuacha na batu bote papa dunia. Ces choses. Ibi bitu. Il faut le désirer dans le cœur. Inafadhali kubitamani ndani ya moyo sababu Mungu eko na vipatia kwa bale bo mioyo yabo kwenye kuambatana kwake. Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Sincèrement, pendant que nous sommes ici ce soir, hakika wakati tuko hapa mangaribi, je crois que la colonne de feu est au milieu de nous ce soir. Iko katikati yetu mangaribi. Elle n'est pas dans ce tabernacle. Aina mui maskani. Elle est avec les élus. Iko na bateule. Amen. Amen. Elle est avec les élus. Iko na bateule. Elle est avec moi ici. Iko na mie hapa. C'est elle qui m'instruit. Ni yonjo kuna nifundisha. Qui me prescrit ce qu'il faut dire. Iko na nyonesha mimi kusema. La même colonne de feu nguzo moto, ya moto qui a conduit les enfants d'Israël, iliongoza watoto wa Israeli, qui a conduit les enfants d'Israël, va devant nous. Ile rongoza batoto wa Israeli iko natembea mbele yetu. Njo ile kuna temba mbele ya kila mteule wa vya kweli. C'est cette colonne qui marche devant tel véritable. Maintenant dites-moi. Ule malaika. Cet ange. Atakuacha kwenda kubandumba je. Te laissera aller chez les prostituées comment? Atakuacha kwenda kubabwana bana bashipo bako je. Te laissera aller chez d'autres maris. Pourquoi? Atakuacha huku na iba dimu. Te laissera voler la dîme pour comment? Ye kaja ke barumupa. Lui son travail c'est ni kukesha yulu yako safari yote mshini. C'est de veiller sur toi durant tout le travail le voyage. Est-ce que les anges sont ici? Ça, ce sont les choses du royaume. Si tu n'es pas dans le royaume, c'est de l'algèbre. Et na quoi tu n'es bitu ya mufu kwa? Accomplissant les mêmes miracles et tout enseignant de la Bible, c'est bien que l'ange qui accompagnait Israël et qui le conduisait vers la terre promise, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, suivez maintenant, le même hier, aujourd'hui, éternellement, accompagne et va devant ce groupe que vous appelez des chrétiens. Il accompagne. Et il va au devant des élus. Amen. Amen. Vous voyez que beaucoup de frères et de sœurs. Ici, le tableau est maintenant très clair. Il voit que celui qui me conduit, ce n'est pas Jésus-Christ. Ça n'a jamais été Jésus-Christ. Ça Citation 95. Il en est de même aujourd'hui avec les véritables croyants. Amen. Amen. Vous, dans vos églises, vous savez que lorsque vous prenez position pour Christ et que vous défendez la vérité, attendez, non, je suis mal tombé. La situation, très bien. Citation 101. C'est cela la nuit avec l'église aujourd'hui. Vous avez terriblement peur. Muko na boka kabisa. Et vous vivez dans un échec. Na muko naishi muko pusa muko kosa. Comment pouvez-vous échouer? Na muna kani mnaweza kushindwa. Alors que vous êtes en Christ. Japo muko ndani ya Kristo. Vous ne pouvez pas faillir. Amwezi kushindwa. Si vous avez la vie éternelle. Kama muko na buzima bwa milele. Tous les démons de l'enfer. Ma demona yote ya mwadeza. Vous bougez. Aiwezi kumitenkesha. Amen. Amen. Attendez. Mchungi. La citation que je cherche là. C'est là où il est dit qu'il conduit à la parole. Ah. Oui, 132. Je m'excuse, je prenais ça par écrit. Samani kwa nanjika tu. Suivez maintenant, c'est ce que j'ai. Mufuate ni ile kwa tafuta kusoma. Il explique. Hein? Eko na fasiri. Je vais résumer ça et lire un peu. Taisoma mkifupi na kusoma kwa kidogo. Suivez. Mufuate. Il explique la scène. Eko na fasiri ile mambo. D'Israël devant la mer Rouge. Ya Israeli mbele ya bahari mwekundu. Des montagnes de part et d'autre. La mer rouge devant. Et Pharaon et son armée derrière. Na jeshi ya Pharaoni kumukongo. Il dit. Anasema. Vous savez. Munajua. C'est comme ça que l'église véritable. Jo vile kanisa ya kweli. Quand elle est en face des problèmes. Wakati kumbele ya mamambo. Et Satan essaye de la coincer. Na shetani anapenda afima kumsonga. Que fait l'ange? Malaika unafanya nini? L'ange se tient. Malaika anashimama. Entre le croyant. Katikati ya mwaminifu. Et le problème. Na mamambo. Ou les ennuis. Au mamagumu. Ou les difficultés. Au mamambo ya kuachana. Au mamajaribu. Que fait l'ange? Malaika unafanya nini? L'ange barre la route. Malaika unafunga njia. Tout ce qui veut fonduir. Mais de votre côté, que fait l'ange? L'ange attire votre cœur et vous wako, indique la parole. Na konesha neno. Amen. Amen. L'ange indique toujours malaika onesha, au croyant ce qu'il faut faire qui vient de la parole de Dieu. Kile kufanya, quelle que soit la circonstance. Mamambo, et cette chose, frère, na ile kitu, est restée comme ça. Banduki na bakia paka vile, va rester comme ça. Ita bakia paka vile, retour de Christ. Kufika na kurudi kwa Christ. Ba Christ bo, les chrétiens les mambo, eux vivront si cette affaire maïsha, chaque jour de leur vie. Bonne embarique. Que le Seigneur vous bénisse. La foi en action. Imani katika tendo. Maintenant, frères et sœurs. Sasa banduku na dada. Utasema non. Vous direz apana. Inalomba frère. Ça demande ni kwendisha kufanya kwa miaka mumambo ya Mungu. J'ai déjà fait longtemps dans les choses de Dieu. Frère Branham dit non. Ndugu Branham asema pana. Et il prend l'écriture de Matthieu. Na nabeba ndiko ya Matayo. Là où il est dit. Kule banasema. Les disciples ont leur amené un petit qui faisait je crois des crises de genre épileptique. Ba nafunzi walibeteka mtu wa malaria mtoto alikuwa anaanguka anguka kifofwa. Les disciples ils n'ont pas pu guérir cet enfant, bah, chasser les esprits. Bah, c'est dans Matthieu 17. Ni mu Matayo sura ya 17. Prenez ça. Tu bebe ile andiko. Matthieu 17. Matayo sura 17. Matthieu 17. Matthieu sura 17. Verset 19. Mustara 19. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Wanafunzi wakamkaribia Yesu na wakamwambia kwa kipekee: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jwani ni atukuweza kufukuza hii mademona? La réponse est claire. Jibu liko wazi. C'est à cause de votre incrédulité. Ni kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Leur dit Jésus. Yesu akabaonesha. Suivez maintenant. Mfuate sasa. Je vous l'ai dit en vérité. Namwambia kwa kweli. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Kama mlikuwa na imani ya bunene sasa mbeko ya. Kaloko tu. Mm-hmm. Saka le kambeko. Kama tu kuna kaimani kanesha kwanza ulisha kokolewaka. Si vous étiez, vous êtes même sauvé. Njo fashi mimi nafia kusemele. C'est sur ça que je veux parler. Kama unaisha tu Mungu anaisha kukokola ulisha kwa nini? Si seulement Dieu t'a déjà sauvé que tu as déjà cru. Imani déjà. La foi que toi tu as. Inenea njua kuwina shetani. Est suffisante pour vaincre Satan. Si vous avez déjà cru véritablement, ça ne demande pas qu'un jour que vous ayez jeûné pendant trois jours. Au moment où vous avez cru, la foi qui a débuté en vous, frères et sœurs, est suffisante pour vaincre Satan dans toutes ses stratégies. Frère Branham, maintenant, fait le commentaire selon le Saint-Esprit. Citation 42. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une foi véritable et authentique. Il est Mungu arianzisha ndani ya frère na dada. Dieu a commencé dans le frère et la sœur. C'est ce dont nous avons besoin. La véritable foi. Cette foi-là, il est imani, mise en action. Iwekwe mutendo. Baiweke mukazi. Qu'on puisse la mettre en action. Kama mambo inafika. Lorsqu'un problème surgit, nafika, le péché arrive, les difficultés commencent. Cette même foi qui avait commencé en toi, le jour où vous avez baptisé, c'est ce dont Dieu a besoin, qu'on puisse la mettre en action devant le péché, devant toute difficulté, devant tout problème. Ne dites pas: non, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Il faut que je commence d'abord par jeûner. Non, cette même foi qui a commencé est suffisante pour vaincre Satan. Est suffisante pour que la délivrance soit complète. Amen. Amen. Nous avons besoin d'une véritable foi et des hommes qui oseront recevoir les paroles de Dieu dans leur cœur et d'appliquer cela à eux-mêmes. Lorsque Dieu délivre une personne, je ne dois plus rester avec cette habitude. Et ça demande des hommes et des femmes qui ont cette petite foi-là, qui se tiennent debout et de rejeter tout ce que Satan vient les charger. Mais ces gens-là, ils sont en minorité. Est-ce que c'est la foi qui a débuté en vous? Frère Branham, quelque part j'ai oublié. Il dit: quand la vie éternelle vient dans un homme, elle a la dimension comme d'un bouton de chemise. Hein? Mais observez comme cette chose est divine. Elle va occuper tout le terrain. Elle va de manière grandissante. Elle ne restera pas toute petite. Parce qu'en elle, il y a une puissance transformatrice qui démolit les pensées mauvaises, les sentiments mauvais, mania ya mubaya, le tribalisme, ikabila, et de s'attaquer à tous ceux qui s'opposent à la parole biote, de Dieu. Pinganisha neno la Mungu. Amen. Amen. Chitabisha. On verra demain. Je ne serai pas terminé, on va continuer demain. Mais lakini, vous cherchez à appliquer cela à une génération passée. Oh frère, du temps de frère Branham, du temps de Daniel, mais c'est le même Dieu, c'est le même ange. Amen. Amen. Eux n'étaient pas nés de nouveau. Mais toi, tu as une nouvelle nature divine. Est-ce que vous savez ce que savez-vous cela? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et quel démon peut triompher face à la vie de Dieu? Ou bien tu sais que je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle. La vie éternelle, frère. C'est une vie. Comme le monde a toujours dit. On ne peut pas trouver sur la terre. On ne peut pas trouver sur la terre. Cette vie vient du trône. Et qui est plus puissant que celui qui est en haut? Vous voulez appliquer ça à une génération passée. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est-à-dire, si c'est lui qui a commencé l'œuvre en toi, face au tribalisme, il ne joue jamais. Face à la colère, il ne joue jamais. L'insoumission, il ne joue jamais. Frère, il y a un roi dans la Bible, c'est Asa. Frère, il avait fait une prière. Hein. Il y avait une multitude, une armée très puissante qu'il avait attaquée. À l'époque où était le roi de Juda. Dans sa prière, hein, il a dit ceci. 2 Chroniques chapitre 15. Que je ne suis que tout à l'heure. Nous y reviendrons demain. Deux Chroniques chapitre 14 plutôt, pas 15. Mambo ya siku ya pili sura 14. Il ne échoue jamais. Ye ya shindwa tekamwe. Verse 2 Chroniques chapitre 14 verset 8. Mambo ya siku ya pili sura 14. 7, on commence au verset 7. Mustari ya 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes. Asa alikuwa na jeshi ya watu 3000. Verset 8. Zerak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million. Akakuya kubakombanisha na jeshi ya maelfu na maelfu. Wao kuna 1 million. Wanakuletea 1 million. Ces choses ont été écrites. Hivi vitu viliandikiwa pour nous instruire. Juu ya kutufundisha. 2 millions d'hommes. Ya batu 300 chars. Magari 300. Banduku. Verset 10. Musara 10. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Asa kaita wa milele Mungu wake. Et dit. Nakasemu. Éternel. Wa milele. Toi seul peux venir en aide aux faibles. Wewe pekee ndio unaweza kuja kusaidia mzaifu. Nous sommes ces faibles-là. Seul Jésus peut venir en aide à nous. Dieu ne veut pas que tu saidia. Frère. Banduku. Comme fort. Paka sawa tu kuba vinikona nguvu. Viens à notre aide. Uya utusaidie. Éternel notre Dieu. Wa milele Mungu wetu. Car. Sababu. C'est sur toi que nous nous appuyons. Ni kwako wetu nategemea. Et nous sommes venus. Na tunakuya. En ton nom. Munjina lako. Contre cette multitude. Kupinka nisha iba watu wa mingi. Éternel. Wa milele. Tu es notre Dieu. Uko Mungu wetu. Que ça ne soit pas l'homme Ishiwe qui l'emporte sur toi. Yapate kuina yulu yako. Frère. Banduku. Lorsque j'avais lu, j'avais dit ces jeunes hommes, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. C'est toi qui es notre Dieu. Et c'est toi qui es notre soutien et appui. Maintenant, c'est impossible que l'homme l'emporte sur toi. Japo, c'est le même qui a la vie éternelle en vous. Mais aujourd'hui, mais Léo, les calomnies, Massignisiano, triomphent de vous. Ça n'a pas de type. Banduku aina na mfano. Ça n'a pas de type dans la Bible. Aina na mfano ya Biblia. Mungu pala rishkele mambo. Lorsque Dieu avait entendu naomba, cette prière, lisez la suite. Musomele na fuate. Ça révoltait Dieu. Il mutombosha Mungu. Anazungiana. Il a dit que c'est jeune. Ananiua kumbi. Il me connaît alors. Que mtu asheze kuniwini. Que aucune personne ne peut l'emporter sur moi. Mais kufika mule kizaza la Odikia. Même démon qui était dans Zarak l'Éthiopien. Ma démon mon jambo ilikuwa muzarasha kule mu Ethiopia. Iko natawala nduku na dada. Mnaona? Vous voyez? Il n'échoue jamais. Yeye ashindwa ke kamwe. Il est le même. Eko moja moja. En puissance. Mwezo. Le même. Moja moja. Ce soir. Mangaribi. Tel qu'il était. Paka vyari kuyaka. Quand il marchait en Galilée. Wakati kuna tembea mu Galilaya. Il apparaît chaque soir. Eko naonekana kila siku mangaribi. Sur cette estrade. Yulu ya imimbari. Il prouve lui-même qu'il est vivant. Vous n'avez pas à prendre ce que dit l'histoire. Il a dit si vous amen. Amen. Il est le même aujourd'hui. Que le Seigneur Buana nous vienne en aide. Akuya tusaidi. Et tu crois ma pensée à Mungu tutendele chaque jour. Si telle la volonté de Dieu, nous continuerons demain. Sasa mnaona vile mambo iko nguvu. Maintenant vous voyez comment les choses sont difficiles. Bale bengo nasema ni ba Kristo njoo wewe na mimi. Ceux qui se disent chrétiens c'est toi et moi. Soit. Ah oh. Tuko kanisa ya Mungu. Nous sommes l'église de Dieu. Soit. Ou soit. Tuko kanisa Satan. Nous sommes l'église de Satan. Na kama tuko kanisa ya Mungu. Et si nous sommes l'église de Dieu. Ula reanzisha imani ndani ya nduku na dada. C'est lui qui a débuté la foi dans le frère et la sœur. Ule Mungu. Ce Dieu là. Eko responsable ile bujima ile kandani. Il est responsable de la vie qu'il a placée en nous. Asikake ile bujima by winne. Il n'accepte jamais que cette vie là soit vaincue. Amen. Amen. Il n'accepte pas que cette vie puisse franchir la ligne de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est nous ici. Maintenant qu'on s'examine, nous sommes dans quel état? Où soit. Nous sommes ici pour que Esaïe 1 puisse accomplir. Amen. Amen. Qu'on vient seulement dans l'église, baptisé, mais chacun fait ses affaires. C'est pendant qu'il a monté qu'on a fait est dans ses dossiers. Qu'il a monté qu'on a affaire yake. Dimanche, Mujuma, nous nous retrouvons. Tout à du coup tapa. Le règlement d'église dit. Eh ma, quand nous y a quand il s'est lancé ma. Tous on danse. Moku sifia, kusi fache votre nom d'abord. Mais après cela, chacun dans ses affaires. Qu'il a monté qu'on a dit à maman boyaki. Mettons-nous debout. Est-ce que ceci demeurera toujours ainsi ou ça va changer? C'est le temps de prendre la décision. Dieu ne délivre jamais des gens faussement. Il ne fait pas d'une église comme étant une église de Dieu ou de Satan. Celui qui doit prendre la décision, c'est toi et moi. C'est comme au temps d'Élie. Si Jésus kama Yesu, est celui qui a commencé l'œuvre en vous, ni aranza kazi si dani c'est lui le Dieu véritable, kama niye Mungu wa kweli, allez, attachez-vous à lui. Mwambatane naye. Si c'est le monde que vous voulez, kama ni dunia mnataka, vivez pour le monde. Muishi juu ya dunia. Mais vous devez vous décider. Lakini unapasha sasa kubeba mpango. Tombeni Mungu shibori. Prions tous ensemble.